What is your name? Me llaman Lagrado. What is your favorite color? Ma maman m'a dit que je n'avais jamais parlé aux inconnus. Alors, dites-moi tout. Je voudrais être avec vous. Vous y êtes? Sur les formes scintillantes, sur les cloches de couleur, sur la vérité physique, j'écris ton nom. Si je cite Paul Éluard de manière totalement cliché, je l'avoue, c'est parce que j'avais envie, pour cette dernière capsule, de vous dire au revoir sur une note d'espoir. Et quel plus bel espoir que celui d'être libre. Si les rêves de liberté nourrissent les récits depuis des lustres, il en est de même au cinéma. Que ce soit dans les histoires racontées ou dans les principes de création même d'un film, la liberté a également animé le cinéma et de nombreux combats se sont menés au grand écran. Une fois n'est pas coutume, j'ai posé mes questions aux festivaliers. J'ai donc demandé à Maurice, Gwenaël et Alice ce que leur évoquait la liberté au cinéma. C'est la liberté de l'audace, de montrer quelque chose. Là, je viens de voir le film que j'ai vu, La Gabi. Je trouve qu'il illustrerait bien la question de la liberté du réalisateur. Hein. Bon, il montre une femme qui est inclassable, en fait. Hein. Et je trouve ça... Je me sens dérouté, mais dérouté avec plaisir. Plaisir, oui, c'est ça. Et ça, je mettrais ça du côté de la liberté, du créateur. Voilà, un exemple. Mais j'allais dire, pour le réalisateur, elle est grande, la liberté du cinéma. Je vous confie un petit secret, c'est que je suis actuellement en train de faire un film, alors que ce n'est pas mon métier du tout, et je recherche un monteur. Et donc, moi, ma liberté au cinéma, dans ce que je crée, c'est vraiment la créativité. Vraiment amener de la créativité, et ça peut être, très très large. Comme possibilité. Bah, je sais pas, le numérique déjà, ouais, parce que ça permet de montrer des choses qui sont irréelles et tout ça, et du coup de mieux capter l'imagination du réalisateur en fait. Et puis même dans les films genre réalistes, plutôt tournés avec des décors naturels et tout ça, dans le scénario on peut trouver aussi une liberté. Je sais pas, avec les films de fuite, ou controversés et tout ça. Commençons par parler de la liberté des femmes. L'actualité a permis pour beaucoup de remettre certaines pendules à l'heure. Mais le combat féministe, j'espère ne pas vous l'apprendre, n'est pas né hier. Aussi, dans le cinéma français, une de ses plus belles représentantes est, bien entendu, Agnès Varda. Je vous ai parlé mardi de Cléo de 5 à 7, mais L'une chante, l'autre pas est peut-être le film considéré comme le plus féministe de sa carrière. Sorti en 1977, le film raconte le destin de deux sœurs. L'une rêve de devenir chanteuse, l'autre doit s'occuper de ses deux enfants dont le père s'est suicidé. Ces deux femmes se retrouvent 10 ans plus tard dans une manifestation féministe. Nous suivons alors le parcours de deux femmes différentes dans leur quête de leur féminité et de leur féminisme, dans un film musical qui devient une véritable ode au militantisme féminin. Aujourd'hui, j'ai également décidé de vous parler d'un cinéma particulier, dont je vous ai parlé tout le long de la semaine, le cinéma de genre. Que ce soit La Nuit a dévoré le monde, Revenge ou Grave l'année dernière, nous assistons à un renouveau de ce type de film dans les salles françaises. En quelques mots, qu'est-ce que c'est ? Le cinéma de genre désigne des films se raccrochant à un genre particulier, en suivant des codes précis, propres au genre en lui-même, que ce soit dans la mise en scène, l'écriture ou les références. Il peut s'agir de westerns, de films d'horreur, de science-fiction, de comédies, de films policiers, et la liste est très très longue. En France, le cinéma de genre a été populaire jusqu'à l'arrivée de la nouvelle vague, qui a voulu apporter une nouvelle manière d'aborder le cinéma, plus authentique et réaliste. Depuis, hormis les comédies et films policiers, les films de genre ont non seulement déserté le cinéma français, mais traînent encore une mauvaise réputation. Aux États-Unis est arrivé l'effet inverse. Le nouvel Hollywood, équivalent plus ou moins de la nouvelle vague outre-Atlantique, a laissé sa place au retour des films de genre, blockbuster, avec deux films principaux, Les Dents de la Mer de Steven Spielberg en 1975 et évidemment Star Wars de George Lucas en 1977. Depuis se sont illustrés de nombreux réalisateurs dans le cinéma de genre américain. Que ce soit Tarantino, Carpenter ou encore Robert Rodriguez, ces cinéastes ont eu une influence monstre sur les générations de réalisateurs français, à qui s'ouvraient alors trois options. Rester en France et se tordre la tête pour faire financer son film, abandonner l'idée de réaliser des films de genre, ou alors s'expatrier aux États-Unis. Luc Besson en est un bon exemple, Alexandre Aja qui s'est illustré dans le film d'horreur également. Il est très dur en France de se voir accorder une aide du CNC en tant que cinéaste de genre, les productions devant souvent ruser pour trouver des aides financières à droite à gauche et souvent à l'étranger, en Belgique notamment. Vous vous demandez où se trouve la liberté dans tout ça ? Eh bien, nous avons fait face pendant des années à des créateurs français qui n'étaient pas libres de pouvoir réaliser des films qui leur parlaient sur une simple superstition : le cinéma de genre est incompatible avec le cinéma d'auteur. Or c'est faux ! Les deux peuvent fonctionner parfaitement, et encore plus chez les créateurs français qui ont en référence bon nombre d'auteurs de talent. Prenez Revenge de Coralie Farja par exemple. Tout le long du film, vous assistez à la métamorphose d'une femme, considérée objet par les hommes qui l'entourent, habillée de couleurs vives, les cheveux teints en blond, jouant de son corps et de sa sensualité, femme qui va petit à petit se transformer en une sorte de Lara Croft, perdant l'éclat blond de ses cheveux pour un brun terne, une tenue pas plus habillée mais avec des couleurs sombres et armée d'un fusil à pompe. Elle devient une femme forte, qui se réapproprie le regard des hommes. Elle n'est plus l'objet de désir, elle est celle qui chasse, un adversaire tout aussi puissant qu'eux. Elle se réapproprie donc sa féminité, et dans ce film de genre, prend forme d'une métaphore, d'une femme reprenant le contrôle d'elle-même. Vous voyez, Farja, Varda, même combat. Et la boucle est bouclée. Dans ses dernières interviews, Coralie Farja nous parle du féminisme dans son film et Dominique Rocher des difficultés de production d'un film de genre en France. Pour moi, c'est clairement un film 100% féministe. Moi-même, je suis très, très féministe. En fait, ce qui m'intéressait vraiment, et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai imaginé l'histoire... L'histoire est vraiment partie du personnage. En fait, l'idée d'un personnage qui était perçue d'une certaine manière parce qu'elle était voilà, une fille sexy qui joue de sa séduction, de sa sexualité de manière très, très décomplexée et qui se retrouvait en fait un peu rangée dans une case par les regards masculins. Et qui s'autorisait effectivement à la traiter plutôt comme un objet à leur disposition. Et l'idée, c'était de faire sortir ce personnage de lui-même et de lui permettre, parce que j'aime beaucoup ce mot anglais d'empowerment, de se libérer de ce qu'on l'autorise à faire, de ce qu'on la pense capable de faire, sans l'aide de personne, se sentir capable et s'autoriser à prendre le pouvoir et à elle aussi devenir forte et à ne plus attendre qu'on la repère, mais voilà, de s'imposer d'elle-même. Et le viol est arrivé en fait plutôt comme un élément symbolique qui avait vocation en fait à représenter toutes les violences qui peuvent être faites aux femmes, que ce soit la violence physique, sexuelle, mais aussi la violence psychologique sur la manière dont on peut être considéré, la violence verbale, qui peut être aussi très violente. Et c'est vrai que c'est quelque chose, quand j'ai commencé à découvrir les réseaux sociaux, qui m'a vraiment marquée, en fait. C'est pour ça que je définis, moi, plutôt le film comme étant un revenge movie, plutôt qu'un rape and revenge, qui est un type de cinéma que je n'ai ni vraiment regardé, ni vraiment spécialement apprécié. Mais je voulais plus aller vers ce jeu de symboles entre le féminin, le masculin, la nudité, le symbole de la pomme, le bleu, le rose, le phénix, la renaissance. C'était tout ça qui m'intéressait de mettre en scène. Dominique Rocher, à présent, qui nous parle de la position du cinéma de genre en France. J'en connais beaucoup qui essaient, ouais. Ça c'est sûr. Après, il y a eu Julia Ducorneau l'année dernière, et là, il y a Coralie Farja qui fait Revenge cette année. En même temps que moi, en fait, on a fait nos films en même temps, et je la connais très bien, c'est une copine. Et du coup, nous, on arrive avec nos deux films là en mars, enfin, elle en février, moi en mars. Il y a Dans la brume, qui est un film que je... avec Romain Duris, fantastique. Donc moi, j'ai créé l'idée originale en fait, qui a été développée après 100 mois par le scénariste qui a écrit La Nuit en fait. Donc c'est, tout ça, c'est un peu lié. On est pas, en fait, on se connaît un peu tous, j'avoue, parce qu'on n'est pas très nombreux à vouloir faire du genre. En tout cas, c'est pas à vouloir, mais en tout cas à le construire. Non, il y a une envie d'en faire, mais en fait, ça dépend du public, quoi. Après, nous, on fait les films, mais c'est vrai que même si ça Le Grave, qui est quand même un film dont on a énormément parlé, qui a quand même été à Cannes, qui a été à Sundance, qui a été à Toronto, qui a été à Premier Plan, qui, je crois qu'elle a fait des centaines et des centaines d'interviews. Enfin, vraiment, c'est un film. On peut pas faire plus en fait. Et elle a fait, même si c'est très bien, elle a fait 150 000 entrées, ce qui est vraiment très peu, quoi. Donc même si on a envie, et même avec un parcours aussi parfait que celui de Grave, ça reste très compliqué d'emmener le public français voir ces films-là. Est-ce qu'il y a une histoire de confiance à regagner? C'est-à-dire que Grave a ouvert la porte en disant « Ok, on peut peut-être faire confiance à ces films-là, ils sont intéressants, du coup peut-être que y a plein de films qui vont aller voir le film de Coralie, et peut-être d'autres gens qui vont voir le mien. » Mais malheureusement, tant que le public n'ira pas voir ces films... Je sais que les Espagnols ont vécu ça il y a quelques années, et ils ont réussi à petit à petit à regagner la confiance et à faire des gros budgets fantastiques, genre l'Orphelinat, mais c'était bon, il y a une dizaine d'années maintenant, mais ils avaient fait ce mouvement de... Parce qu'au bout d'un moment, tout en revient à ça, c'est-à-dire qu'il faut être capable de faire des films grand public de genre. Et donc pour ça, il faut être capable de mettre 15-20 millions et de concurrencer des films très spectaculaires dans le fantastique et dans le genre. Et mais ça veut dire qu'aux productions européennes, donc ça, il faut être capable de créer ça, quoi. Donc est-ce que je suis optimiste, je sais pas, moi je sais que je vais continuer en tout cas, et on verra ce qui m'attend, j'en sais rien, mais en tout cas je vais continuer d'essayer. De nombreuses batailles se sont livrées dans le monde du cinéma, au nom de la liberté. Grâce aux cinéastes, de nombreuses paroles ont pu se libérer et être criées au monde. Certains combats sont encore aujourd'hui plus que nécessaires pour essayer d'atteindre l'utopie libertaire. Que ce soit en matière de féminisme ou de liberté de création, Agnès Varda a marqué suffisamment le cinéma pour que d'autres réalisateurs et réalisatrices prennent le relais. Et grâce à Julia Ducournau et aux réalisateurs qui ont suivi la brèche qu'elle a ouverte dans le cinéma français, le renouveau du cinéma de genre en France est promis à un bel avenir. Nous avons tous un rôle à jouer. Créateurs ou spectateurs, soutenons le cinéma de la liberté. Encourageons la liberté de création en allant voir les films et prouvez aux créateurs qu'ils ne travaillent pas pour rien. J'ai de l'espoir et je vous invite à espérer avec moi. Aussi, vive la liberté et vive le cinéma. Avant de conclure définitivement cette capsule, il est venu pour moi le temps de faire quelques remerciements. Je remercie donc les équipes du Festival Premier Plan, les cinéastes et les festivaliers. Je remercie le service presse au complet pour leur gentillesse et leur aide précieuse. Je remercie Laurence de m'avoir recommandé à Radio G. Et je remercie bien évidemment Annie et toutes les équipes de Radio G de m'avoir fait confiance. Et enfin, je vous remercie, vous, les auditeurs, qui ont bien voulu suivre mes tribulations au cœur de Premier Plan. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer Liberté. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Heureux qui, comme Ulysse, a vu cent paysages. Et puis a retrouvé, après maintes traversées, le pays des vertes années. Par un joli matin d'été, quand le soleil vous chante au cœur, quelle est belle la liberté, quand ça n'est fini des malheurs, quand un ami sèche vos pleurs, quelle est belle la liberté, la liberté.